En Corée du Sud, le comité de patronage des prisonniers de conscience du Conseil du mouvement des familles pour la démocratisation a tenu le 25 mars une réunion générale dans la maison chrétienne à Séoul. Il y a déclaré mener plus énergiquement une lutte destinée à l'abolition de la loi sur la sécurité, un des abus du pouvoir de Park Geun-hye, et à la mise en liberté des prisonniers de conscience.